Chapitre 6. Il y eut un passage de pèlerins qui allait à Lérida, en Catalogne. Ils venaient de Bretagne, de Flandre et d'Alsace. D'étape en étape, leur troupe avait augmenté. Ils étaient 40, et le long du chemin, descendant le royaume, ils seraient par d'autres dévots rejoints, de sorte qu'ils feraient un beau cortège à la pensée pieuse qui les guidait. Fort inégaux d'âge et de condition, de caractère et d'esprit, ceux-ci de riches bourgeois, ceux-là de pauvres hères, et des mendiants parmi les seigneurs, des lettrés parmi les ignorants, tous étaient là et tristes. Qu'ils vinssent d'Alsace, de Bretagne ou de Flandre, tous racontaient la douleur du royaume. Ils avaient vu partout misère et famine. La pluie, depuis longtemps, rendait la terre de Flandre un cloaque. Le débordement des rivières obligeait, ici ou là, les villageois à quitter leurs habitations et à se réfugier sur les collines. Dans le pays plat, que faire ? On croyait au déluge, et dans de calamiteux bateaux, sur des radeaux à tout hasard, on s'enfuyait. Un opulent négociant de Bruges avait, à l'imitation de Noé, fabriqué une arche, où il s'était retiré avec sa famille, avec des couples d'animaux, avec des vivres de toutes sortes. Les malheureux du voisinage tentaient d'envahir sa maison flottante. Il les repoussait et avait d'infâmes serviteurs occupés à combattre et couler les chétives embarcations. Car il n'est plus de charité en ce monde. Les paysans de Bretagne ne voulaient plus travailler. Les champs étaient en friche depuis 2 années et les prairies couvertes d'une ivraie mortelle aux troupeaux. Il n'y avait plus ni blé ni aliments d'aucune espèce. On mourait d'inanition si l'on rechignait à se nourrir de chair immonde. En quelques endroits, on déterrait la nuit les cadavres pour les manger. Il fallait surveiller les enfants. Des brigands les attiraient à l'écart. En leur offrant un œuf ou une pomme, les tuaient et les dévoraient. Car il n'est plus même de répugnance à défaut de scrupules. En Alsace, les hérésies les plus extravagantes foisonnaient dans les foules, comme l'ivraie dans les prairies de Bretagne. Les inventeurs et prôneurs d'absurdité promulguaient maintes contrefaçons de l'Évangile. Et comme nous savons que la souffrance est le rachat de nos péchés, ils répandaient de la souffrance. Des fanatiques se transformaient en scélérats, guettaient au coin des routes les passants, les assaillaient, puis les martyrisaient pour les sauver. Ils prétendaient sacrifier au salut de leur prochain leur salut par un abominable dévouement. Saint monstrueux dont l'abnégation quasi diabolique jetait la terreur dans la campagne et aux abords des villes. Le conteur ajouta d'une voix morne : c'est ainsi que devait s'accomplir cette prophétie du Seigneur en saint Matthieu. Alors les élus eux-mêmes seront séduits. Un vieillard dit encore : Dieu nous châtie, mais l'indice des temps maudits, c'est qu'au milieu des calamités, vous ne rencontrez plus de patience. Les hommes ne s'inclinent plus sous le poing qui les frappe. Ils ne subissent plus avec la contrition requise la peine qu'ils ont méritée depuis des siècles. Et au lieu d'élever vers le juge leurs mains et leurs prières, ils s'égarent en rébellion. C'est ainsi que devait s'accomplir cette parole d'Isaïe. Le peuple ne s'est point retourné vers celui qui le châtiait. Un autre vieillard dit enfin : la vérité du Christ Jésus s'efface dans les âmes. Elles oublient que l'Évangile a signalé toute l'erreur ancienne. Ils retournent aux fables du paganisme. L'on divinise la nature et l'on ne distingue plus le Créateur de son ouvrage. On néglige l'avertissement de nos pères spirituels. Prenez garde aux sortilèges et aux ruses des démons qui ont une étonnante promptitude à revêtir toute forme trompeuse et qui se cachent le plus volontiers dans les arbres et dans les fontaines. Les citations de l'Écriture et des pères, au bout de tous les récits, arrivaient comme la moralité au bout des apologues ou comme les refrains au bout des couplets, ou comme un tintement d'alarme, ou le gémissement d'un malade, et sans cesser pour annoncer l'accomplissement des présages suprêmes. Les pèlerins, surexcités par la secousse qu'avait donnée la prophétie à leur fatigue et à leur tristesse, ne firent tout le soir que bavarder confusément. Leurs paroles n'étaient que de petites plaintes, où le frère Siméon ne démêla que peu de choses. Il entendit pourtant : arriverons-nous en Catalogne avant la fin du monde ? Les pèlerins partirent le lendemain, dès avant l'aube, afin de gagner du temps sur la destinée qui allait vite. L'on court ainsi devant l'orage, quand le vent pousse les gros nuages à grande allure. Et le frère Siméon disait en lui-même : pourvu que Jean songe à courir d'un train pareil, une fois déconfit les Sarrasins, qui au surplus sont engagés dans l'universel désastre.